Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Aujourd'hui, comme d'habitude, un phénomène météo d'actualité, une explication, Xavier. Et oui, et aujourd'hui, arrêt sur le verglas, phénomène qui rend les automobilistes incontrôlables sur la route. C'est produit en Russie, notamment en Russie orientale, il y a quelques jours. En fait, c'est une intense tempête de neige qui a frappé de plein fouet la région de Vladivostok au cours des derniers jours. Alors justement, le choc des deux puissantes masses d'air aurait donc causé cette tempête de verglas. Près de 1,2 cm de glace ont recouvert la majorité des surfaces, et un phénomène que les autorités locales n'avaient plus vu depuis 30 ans. C'est assez incroyable en ce moment ce qui se passe de ce côté-là de la Russie. Et puis des arbres matures ont même cédé sous le poids de la glace, des rues, et même rendant les déplacements extrêmement difficiles, sans compter évidemment la chaussée glacée. Justement, la chaussée glacée, un petit peu ce que tout le monde de redoute. Et comment ça se fait en fait qu'on obtient cette couche de glace entre guillemets sur la route? Ça se forme comment en fait? Écoute Maxime, ça va être très simple. On va faire ça de manière que les auditeurs comprennent le plus facilement possible. Alors, dans certains cas, les températures au niveau du sol sont négatives. Donc, le sol, la route, elle est négative. Les températures là-dessus sont négatives, tandis qu'une masse d'air un peu plus douce, avec des températures positives, surmonte une pellicule d'air froid. Ça veut dire quoi? En fait, en très haute altitude, on a de l'air assez froid, au sol de l'air froid aussi, et entre les deux, pris en sandwich, c'est une masse d'air plus douce. Donc, les précipitations qui tombent, elles sont d'abord neigeuses, se transforment en pluie en arrivant ici sur les régions de la Russie, ou comme ici en Belgique par exemple. Et quand elles arrivent par terre, comme le sol est gelé, ça devient de la glace. Et alors, il s'agit donc d'une couche d'inversion, que ça s'appelle. Et dans une telle situation, lorsque les précipitations surviennent, la neige, comme je viens de dire, se transforme en pluie en traversant cette masse d'air assez positive. Et au niveau du sol, avec les températures qui redeviennent négatives, la pluie se transforme en verglas. Donc la pluie se congèle au sol, d'où le terme généralement qu'on applique, c'est le terme de pluie verglaçante. Alors, même en faible quantité, les routes se transforment en véritable patinoire, et la conduite devient généralement particulièrement périlleuse, et ce phénomène météorologique très dangereux est donc surveillé par de nombreux météorologues en général. Merci pour ces infos. On va maintenant lever les yeux vers le ciel, on va dire, dans cette deuxième partie de séquence, puisque les agences spatiales, elles rêvent d'aller sur Mars, on le sait, mais plus globalement, elles pensent aussi à une vie future dans l'espace. On en entend de plus en plus parler, on voit des infos sur ça. C'est un petit peu le but ultime en ce moment, de voir si on pourra un jour peupler ces autres planètes. Et puis, on parle notamment de villes entières qui serait sur orbite. Oui, c'est ça, exactement, puisque avec plusieurs problèmes, il y a quand même plusieurs problèmes à régler pour arriver à ce final. D'abord, le premier, c'est celui de l'apesanteur. Vous le savez, dans l'espace, il n'y a pas d'apesanteur. On ne sent même pas notre poids. On flotte. Et avec l'expérience, on flotte carrément. Et avec l'expérience de vie dans la Station Spatiale Internationale, on s'est aperçu que l'homme avait beaucoup de mal à vivre sans poids. Et ses muscles fondent généralement quand ils reviennent sur Terre. Donc, d'où la rééducation. Il y a des problèmes avec ses organes, et puis même les médecins se préoccupent de cette situation. Et donc, pour cela, il va falloir, si on veut vivre plus longtemps et plus longtemps dans l'espace, reconstituer la pesanteur. Et pour cela, on va utiliser la force centrifuge. Voilà pourquoi les premières villes de l'espace pourront avoir une forme cylindrique ou même une forme d'anneau. Pourquoi ? Tout simplement, avec cette force centrifuge, on va pouvoir vivre dans cette ville en reconstituant quasiment l'attraction terrestre. Et ça, c'est un premier élément qu'on peut reconstituer. Le second, ça va être de se protéger des rayonnements cosmiques. Quand on est ici, tu sais bien, Maxime, on vit sur Terre, on a l'atmosphère qui nous protège, qui est une sorte de bouclier contre le soleil, qui amortit un petit peu, parce qu'on ressent quand même le soleil et tout ça, mais beaucoup plus cool que ce qu'on devrait le ressentir, quoi. Exactement, il filtre beaucoup d'UV, tandis que là-haut, on n'est pas protégé, même avec avec une crème solaire, ça ne changera rien. Alors, quand on est sur Terre, avec l'atmosphère, on est protégé, comme ils vont le dire, on est à l'abri, mais dès qu'on s'en éloigne, on peut subir ce rayonnement cosmique qui est particulièrement dangereux pour l'homme. Il faut savoir que l'eau est un très bon isolant. Donc, les murs de cette future ville spatiale seraient constitués de doubles parois, et entre ces doubles parois, on pourrait y ajouter de l'eau, qui permettrait donc de se protéger des rayonnements cosmiques, et on pourra ainsi profiter d'une vie un peu plus saine. Ouais, ça, ça s'annonce sympa. Mais moi, une question que je me pose, bah, tu sais bien, tu le dis, tu le dis souvent, la bouffe avant tout. Comment on ferait pour nourrir les hommes du, on va dire les hommes du futur, quoi? Ah bah, alors c'est sûr qu'on va pas faire des trajets aller-retour en faisant station spatiale, Terre tous les jours. Ça, c'est mort. On va quand même pas utiliser autant d'énergie. Donc, ce qu'il faut penser, c'est une certaine autonomie. Alors pour cela, les chercheurs ont travaillé sur là-dessus et ont déjà trouvé qu'une station spatiale avec des micro-champs de culture ont été réalisés en moyen, par exemple, de fabriquer de la nourriture. Et dans cette ville du futur, on va reconstituer des serres et on va pouvoir, avec des nutriments et avec de l'eau, reconstituer certaines plantations, notamment des légumes ou encore même des fruits pour être presque en totale autonomie. Puis l'autre élément, c'est l'énergie, évidemment. Comme ici, on connaît la lumière, ben, elle est produite par quoi? Ben, par les stations nucléaires, évidemment. Eh bien, on va avoir besoin d'une mini centrale nucléaire également, qu'on installera au cœur de cette ville circulaire. Et puis également, on va utiliser de l'énergie solaire avec l'installation de plusieurs panneaux photovoltaïques. Mais Maxime, donc, il reste encore à trouver quelques volontaires. Hein. Bon, on connaît SpaceX, on connaît le producteur des voitures Tesla. J'oublie le nom, mais c'est beaucoup de producteurs. Elon Musk, voilà, qui est là sur ce projet également. Parce que ben, la technologie, elle existe déjà, mais je ne suis pas encore sûr que l'on ait encore envie de quitter cette Terre, même si on l'abîme beaucoup en ce moment. Hein. Ouais, et imaginons, il chercherait des volontaires. Tu participerais, toi, ou pas? Oh, ben, pour aller à un voyage, par exemple, pour refaire un petit test, bah écoute, si on est payé en plus, je ne dirais pas non. Bah, surtout qu'on rentrerait dans l'histoire en quelque sorte. Donc, exactement. Donc voilà, pourquoi pas écrire Xavier dans l'histoire du spatial, de la découverte d'autres planètes. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Hein, je vous le rappelle, toutes ces séquences, elles sont à réécouter en podcast sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, PodCloud, vraiment partout c'est où partout. Vous le voulez. Les émissions sont toujours en replay, exactement. Chaque semaine, les séquences y sont republiées. Donc n'hésitez pas à aller checker ça.